بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية لشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى تتلون شفاتنا الله سبحانه وتعالى Que les saluts et la paix d'Allah soient sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toute personne qui le suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans le livre Ad-Durarou al-Bahiyya, qui est le livre de l'imam al-Shawkani rahimahullah, rahmatan wasi'a, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali Ramli. Allah le préserve. Alors, bismillah, aujourd'hui, nous allons lire dans Bab At-Tayammum, dans le grand chapitre de la purification. Bab At-Tayammum, le chapitre du Tayammum. Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani, il dit Bab At-Tayammum. Bab At-Tayammum, le chapitre du Tayammum. التيمم لغة dans la langue arabe القصد c'est le but ce qui est visé يقال تيممه بالرمح c'est-à-dire il a visé avec la lance الرمح c'est la lance donc تيممه بالرمح c'est-à-dire il a visé avec la lance c'est-à-dire taqassadahu bimana il a eu pour but de l'avoir wa ta'ammadahu et tout son objectif c'était lui duna ghayrihi yani duna ghayrihi et ce n'était pas une autre personne wa qawluhu ta'ala la parole d'Allah le Très-Haut wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun dans le verset de Sourate Al-Baqarah. Il dit « Wala tayammamu » c'est-à-dire « Ne visez pas al-khabith » ce qui est mauvais « Minhu » de votre récolte « Tumfiquna » de votre récolte, vous prenez ce qui est mauvais afin de dépenser sur le chemin d'Allah. C'est-à-dire « Aïla taqsidu ash-shay » n'ayez pas pour but de prendre une chose « Ar-radi » qui est mauvais de tumfiqu min afin de dépenser dans ces choses-là. Cette parole est adressée à ceux qui font le hasad, la récolte, lorsqu'ils plantent, ils ont des champs, et après la récolte, il y a ce qu'on appelle la zakat, ce qu'on doit donner à nos mounes. Maintenant, d'autres, souvent ils regardent ce qui n'est pas bon, et ils veulent prendre cela pour donner en zakat. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala harrama zalik. Wa la tayammamu al-khabith. Tunfiquna min. Afin de dépenser. Donc, ici, ce que nous recherchons dans ce verset, c'est tayammamu. Qui veut dire viser. Avoir pour but. Donc, voici le sens de tayammama. Dans la langue arabe, c'est al-qasdu. Mafoum. Wa shar'an. Alors, le sens de tayammum dans le jargon de la législation islamique, c'est al-qasdu. Ila sa'idi at-tayyibi. C'est le but de prendre l'argile, le sable, qui est pur, les masfil wajhi, pour essuyer le visage, wal yadaini, et les deux mains, biniyati istibahati salah, avec l'intention d'autoriser la prière, wa nahwiha, et autre que cela. Voici le sens du tayammum dans la sharia. Le sens du tayammum dans la sharia, القصد إلى الصعيد الطيب. Avoir pour but de prendre le sable, l'argile pure. Ça va? Afin d'essuyer le visage et les deux mains pour autoriser la prière. Parce que je veux prier, il n'y a pas d'eau. Ou bien je suis incapable d'utiliser de l'eau. Alors en ce moment, je prends du sable et je fais le tayammum. ودليل مشروعيته la preuve qui montre son autorisation قول الله تبارك وتعالى c'est la parole d'Allah béni soit-il et qu'il soit élevé فلم تجدوا ماء c'est-à-dire si vous ne trouvez pas d'eau فتيمموا صعيدا طيبا c'est-à-dire faites le tayammum avec du sable qui est pur. Ici, dans le sens de tayammama, viser le sable qui est pur. Dans la langue arabe. Mais dans la sharia, c'est-à-dire, prenez le sable qui est pur, essuyez vos visages et vos deux mains. Mafoum. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième preuve, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, أُعطيتُ خَمْسًا وَلَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي أُعطيتُ c'est-à-dire m'a été donné خَمْسًا cinq choses وَلَمْ يُعْطَهُنَّ et ces cinq choses n'ont pas été données أَحَدٌ قَبْلِي à aucune personne avant moi أَوَلًا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَصِيرَةَ الشَّهْرِ Il dit, Allah m'a accordé la victoire par le fait de mettre la peur dans le cœur de mes ennemis à une distance d'un mois. C'est-à-dire, si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il annonce qu'il va attaquer des gens dans un mois, alors Allah place la peur dans leur cœur. Donc Allah lui a donné la victoire à travers cela. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضِ Masjidan wa tahura. Et Allah a fait de la terre pour moi une mosquée, toute la terre, et endroit de purification. C'est-à-dire la terre, partout où je me trouve, je peux prendre la terre pour faire la tayammum. Fa ayyuma rajul min ummati. Donc, n'importe quel homme de ma communauté, adrakatuhu as-salah. Que la prière l'a trouvée quelque part, fallu solli, qu'il prie. Wa uhillat li al-maghanim. Et les butins m'ont été permis. Wa lam tuhilla li ahadin qabli. Mais cela n'a pas été autorisé à autre prophète avant moi. Wa utitu shafa'a. Et il m'a été accordé la shafa'a qui est l'intercession. Wa kana an-nabiyyu et un prophète, le prophète était envoyé ila qawmihi khassa à sa communauté de façon spécifique. Wa bu'istu ila an-nasi kaffa. Mais moi j'ai été envoyé à tous les hommes. Voici les cinq choses qui ont été accordées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. محل الشاهد هنا notre argumentation ici c'est quoi وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا toute la terre m'a été donnée comme endroit de purification et endroit de prière مفهوم وأجمع العلماء الأمة les savants de la communauté sont unanimes على أن التيمم مشروع que le tayammum est autorisé. Le tayammum est autorisé. Qawluhu. Donc ici, La parole de l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu'i wal ghusli liman la yajidu al ma aw khashiya ad darara min istihmalihi. Il dit quoi ici? Yustabahu bihi. On autorise avec le tayammum ma yustabahu bihi al wudu. Bil wudu, ce qu'on autorise avec l'ablution, ou le grand lavage. C'est-à-dire, celui qui fait le tayammum, il est autorisé de prier. Celui qui fait le tayammum, il est autorisé de faire les adorations qui sont autorisées à celui qui prend les ablutions, ou bien celui qui fait le grand lavage. Ma foum, pour celui qui ne trouve pas de l'eau. Au khashi ad-dorar, ou bien il craint ad-dorar, c'est-à-dire la nuisance min istimalihi lorsqu'il va utiliser de l'eau. Wahada mahalu shahid aydon. Est-ce que c'est quand on ne trouve pas de l'eau forcément qu'on doit faire le tayammum? Tayyib, on va voir cela. Atayammumu, le tayammum yajuzu lil muhdisi hadasan akbar aw asghar. Le tayammum est autorisé pour celui qui est en état d'impureté majeur ou mineur. C'est-à-dire celui qui est en janaba, il peut faire le tayammum pour prier. Celui qui n'est pas en ablution, il peut faire le tayammum pour prier. Ayufalu li tatahur, c'est-à-dire on utilise le tayammum pour se purifier min al-hadath al-asghar wal-akbar. C'est-à-dire de l'impureté majeur et mineur. Fayafalu badalan anil wudu'i wal ghusl. Il fait cela pour remplacer l'ablution et le grand lavage. Wa yufalu bihima yufalu bihima. Et on peut maintenant faire ce qu'on fait avec les ablutions et le grand lavage, on peut faire avec la tayammum qu'on a fait. Fil hadari, que cela soit pour un résident ou un safar et celui qui est en voyage. Voilà qu'il mata yufal. Quand est-ce qu'on fait le tayammum? Yubahu tayammum fi halat italia. Suivez bien. Fi halat italia, c'est-à-dire dans 5 situations, on peut faire le tayammum. Dans 5 situations. Iza lam yajid al-muhdisu al-ma. Celui qui est en état d'impureté, s'il ne trouve pas de l'eau. Ou lam yajid minhu, ou bien il n'a pas trouvé ma yakfihi litahara, ce qui peut le suffire pour prendre, pour faire le grand lavage ou bien l'ablution. C'est-à-dire il trouve de l'eau, mais l'eau ne suffit pas. Mafoum? Le qawlillahi tabaraka wa ta'ala, à cause de la parole d'Allah, wa in kuntum marda, il dit lorsque vous êtes malade, ou ala safar, ou bien vous êtes en voyage, ou ja'a ahadun minkum min al-gha'it, ou bien l'un d'entre vous vient de la selle, ou la mastumun nisa, ou bien vous avez touché vos épouses, falam tajidu ma'an, et vous n'avez pas trouvé de l'eau, fatayammamu sa'idan tayyiba, donc faites le tayammum. Famsahu biwujuhikum, essuyez vos visages, wa aydikum, et vos mains. Inna Allah kana afuwan ghafura, car Allah est celui qui est afuwan, le compatissant ghafura, et celui qui pardonne. Donc voici la première situation. Si on ne trouve pas de l'eau, ou bien l'eau ne suffit pas. Alors la deuxième situation où on peut faire le tayammum, idha kana bihi jaraha, si la personne a une blessure, ou marad, ou bien une maladie, wa khafa min istimal al-ma, il craint que s'il utilise de l'eau, ziyadatul marad, l'augmentation de la maladie, Ao, ou bien ta aurishifa, ou bien le retard de la guérison. Il craint que s'il touche de l'eau, sa maladie va s'augmenter, ou bien la guérison va être retardée. Donc voici la deuxième situation. Il y a de l'eau, mais la personne est blessée. Cela peut arriver souvent, tu as une blessure sur le pied, ou bien sur la main, ou bien quelquefois tu ne peux pas toucher de l'eau. Ça va? En ce moment, tu peux faire le tayammum. Ça va? Mais il faudrait que cette blessure soit vraiment à la hauteur, comme on le dit. Mais si la blessure n'est pas une grande blessure, parce que si on ouvre cette porte, chacun va essayer de voir la petite blessure qui est sur son pied, et puis il va dire non, qu'on peut faire le tayammum. N'est-ce pas? Il faut que la blessure soit à la hauteur. C'est-à-dire une blessure qui peut rendre la personne malade si l'eau touche. Ou bien retarder la guérison si l'eau touche. Ma femme, amma, si la personne a un plâtre sur le pied, ou bien des bandeaux, alors on a déjà vu cela de façon ikhtisar, mais on va rentrer de façon détaillée dans cela. Qui est le fait qu'il peut essuyer sur la partie. Après avoir pris les ablutions sur le reste des membres, arrivé sur le pied, s'il y a un plâtre, il essuie seulement le pied. Adajaïs. Troisième situation. Il a qu'un alma ou chadidul burouda. Si l'eau est très glacée, c'est-à-dire est très froid. وغلب على ظنه. Et quand il pense, il voit que s'il touche l'eau, حصول ضرر, qui va arriver une nuisance. باستعماله, lorsqu'il va utiliser de l'eau, وعجز, et il a été incapable, عن تسخينه, de chauffer cette eau, ولو بأجر, même si c'est en payant, pour chauffer de l'eau. Il était incapable de payer pour chauffer de l'eau. Khalas, il peut faire le tayammum. Il a qu'un alma shadidul burouda. Et il s'est dit que s'il utilise de l'eau, ça va lui faire du tort. Dans quel sens? Il aura froid, il ne pourra pas sortir. Alors en ce moment, il fait le tayammum. Ad-din yusr. C'est là où on doit dire que la religion est facilitée. Mais là où on doit laisser les ordres d'Allah, et puis on dit, Dina Kanoro. Là. Adinu Yus, dans le sens que, Arasul Surah alayhi sallam, Kala Mada Yassiru, rendez les choses faciles. Wala tu'assiru, ne rendez pas les choses difficiles. Arasul Surah alayhi sallam, lorsqu'il y avait deux choses, l'un est difficile et l'autre est plus facile qu'un ayah khuzimada. Il prenait ce qui est le plus facile. N'est-ce pas? Adinu yusr. Je reviens encore. La troisième situation, si l'eau est très froid. Et il pense que s'il touche l'eau, alors cela va le nuire lorsqu'il va utiliser l'eau. Et il a été incapable de chauffer l'eau. Même si c'est en payant de l'argent. Il est incapable, alors en ce moment, il fait le tayammum. Rabian, quatrièmement. Il a qu'un alma, si l'eau, qariban minu, est proche de lui. Illa annahu yakhafu ala nafsihi. Mais il craint pour lui-même. Ou ala ardihi. Ou bien, il craint pour sa terre, ou malihi, ou son argent, ou fautirifqa, ou bien il craint de perdre ses amis. Yani zahabul ashabi safar wa tarku. Ses amis vont partir et le délaisser dans le voyage. Je vous donne un exemple. On est en voyage et on a une eau pour boire. Arrivé, l'heure de la prière arrive. Et je dis par exemple à mes amis que je veux utiliser l'eau pour prendre les ablutions. Les amis disent non, mais l'eau n'est pas beaucoup. Si tu prends l'eau, arrivé devant, comment nous on va boire? Alors, il dit à ses amis, mais moi je vais prendre quand même. Ses amis disent non, si tu prends, c'est que il faudrait que nous, on aille pour te laisser pour ne pas qu'on soit pris par la soif devant. Donc, s'il sait que ses amis vont le délaisser pour partir à cause de cette eau-là, alors il peut faire le tayammum. Adamana. C'est compris? Parce que fawujudul ma fi hadhihi al-hala, la présence de l'eau en ce moment ka adamihi est comme l'absence de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Washeun akhar, même si tu n'es pas avec des amis, tu es seul dans un voyage, quelque part, même si ce n'est pas un voyage, quelque part, il n'y a pas d'eau. Et tu as un bidon d'eau, c'est-à-dire bidon de 1 litre 50. Et tu sais que l'eau ne va pas venir maintenant. Tu as cherché partout, tu n'as pas eu d'eau. Si tu utilises cela, tu crains que l'eau, tu ne gagnes pas l'eau au moment où tu vas vouloir la boire. En ce moment, tu fais le tayammum. Ça va? En ce moment, tu fais le tayammum. Parce que la présence de l'eau en ce moment est comme son absence. وَكَذَلِكَ إِنْ خَافَ. C'est le même. S'il craint, il n'y a qu'à cela. S'il se lave avec de l'eau, en yurma bima huwa bari umin, que les gens vont le lancer des accusations dont il est innocent. Wa yatadarraru bihi, et cela va le nuire, jaza lahu tayammum. Il est permis de faire le tayammum. Je vous donne une situation pour que vous compreniez. Si par exemple je suis en voyage avec des amis, ça va? Et dans ce même voyage, il y a des hommes, mais il y a des femmes. Et je dors et je fais un rêve érotique. Mais je sais très bien que si je vais me laver, Djanaba, ils vont dire, mais est-ce que lui-là n'a pas fait la zina? Est-ce que vous comprenez? Ils vont le lancer des accusations. Parce qu'on sait que sa femme n'est pas dans ce voyage. Comment il a fait? Des gens, des ignorants peuvent penser comme ça. Donc en ce moment, il est autorisé de faire le tayammum. Parce que s'il fait, personne ne dira qu'il est dans la djanaba. N'est-ce pas? Il peut faire le tayammum. Alamana. Wa ma mujarradul istihya, quant au simple pudeur, ou le khawfu min ghayrul mubarrar, ou bien une crainte qui n'est pas justifiée, là, il ne prend pas, il ne fait pas le tayammum pour cela. Mais s'il y a une cause, il craint d'être accusé, n'est-ce pas? Non. Cinquième situation, s'il a besoin de l'eau qui est là, indahu lishurbi, écoutez bien cela, s'il a besoin de l'eau pour boire, ou bien il a besoin de l'eau pour mettre dans la pâte, hein, pour faire du pain, ou bien quelque chose comme ça, ou réalisarika mina doruriyat, parmi les cas de force majeure. Par exemple, il a l'eau, mais il a besoin de l'eau pour préparer. Hein? Il a l'eau, mais il a besoin de l'eau pour faire des pâtes. Ou bien il a besoin de l'eau pour boire. Ça va? Donc, en ce moment, il est autorisé de faire le tayammum. Mafoum, voici les cinq situations. Première situation, s'il n'a pas eu l'eau, ou bien l'eau qu'il a ne suffit pas. Deuxième situation, s'il a une blessure ou une maladie qu'il craint, le retard ou bien l'augmentation de la maladie, s'il utilise l'eau, il peut faire le tayammum. Troisième situation, si l'eau est très froide et il pense que s'il touche de l'eau, cela va le nuire, alors il peut faire le tayammum. Quatrième situation, si l'eau est proche, l'eau est là, mais il craint pour lui-même, s'il touche l'eau, ça va? Ou bien pour sa terre, son argent, ou bien perdre ses amis lorsqu'il est en voyage avec eux, alors en ce moment la présence de l'eau est comme l'absence de l'eau. Et cinquièmement, s'il a besoin de l'eau pour ses propres besoins, c'est-à-dire boire ou bien faire de la pâte, préparer avec cela, alors que l'eau ne suffit pas, alors il peut prendre pour faire cela et faire le tayammum. Ensuite, la parole de l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit, non? Si? J'ai cité. Non. Cela se trouve dans le quatrième. Ça va? Ensuite, qawluhu wa a'da'uhu et les membres du tayammum. On va voir maintenant les membres du tayammum. Il y a les membres de l'ablution et il y a les membres du tayammum. Al-wajhu, le visage, summa al-kaffan et les deux paumes. Les deux paumes. Alors, yamsa'uhuma marratan, il essuie le visage et les deux paumes une seule fois. Nawiyan, et il prend l'intention, musammiyan, et il dit la basmala. Adaw tayammum, les membres du tayammum, al-wajhu wal-kaffan. Le cheikh qui n'a pas parlé du jugement de la basmala ici. Parce qu'on a déjà vu. Mafoum, on a déjà vu que la basmala n'est pas une obligation dans le wudu. Si ce n'est pas obligatoire dans le wudu, c'est-à-dire que dans le tayammum, ce n'est pas obligatoire. Donc, les membres du tayammum, al-wajhu wal-kaffan, le visage et les deux paumes. فقط سلمى كما جاء في الآية المتقدمة comme cela vient dans le verset qui a précédé. Qui peut me rappeler le verset? وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Est-ce que c'est notre preuve? Ça suffit? فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَيْدِيكُمْ. Essuyez vos visages et vos deux mains. C'est ce qu'on recherche ici dans le verset. Ça va? وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ Ammar. Dans le hadith d'Ammar qui vient dans les deux authentiques. قَالَ Ammar dit, Ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé fi hajatin, dans un besoin, fa ajnabtu. Et j'ai fait la janaba. C'est-à-dire, je suis tombé dans l'impureté de la janaba. Falam ajid al-ma. Je n'ai pas trouvé de l'eau. Regardez ce que Ammar il a fait. Il dit Fatamarrahtu fi sa'id. Je me suis enroulé dans le sable. Kama tamarraha dabba, comme l'animal tourne au sol. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم et je suis venu au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك له et je lui ai mentionné cela. فقال le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il dit إنما كان يكفيك il te suffisait أن تقول بيديك هكذا تقول يعني أن تفعل بيديك avec tes deux mains ainsi ثم ضرب بيديه il a frappé il a pris ses deux mains et frappé إلى الأرض ضربة واحدة quel est le ضرب c'est de prendre la main et puis frapper au sol fort la ضربة هنا أو الوضع il a mis ses deux paumes sur le sol ça va Summa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dorba. Summa masaha. Ensuite, il a essuyé. Shimala al-yamin. Il a pris la main gauche et il a essuyé la main droite. Ça va? Al-yamin. Summa. Wazahiru kafayhi. Et il a essuyé. L'extérieur, Zahiru Kafei, ce sont l'extérieur des deux mains. C'est-à-dire, il a fait comme ça. Lorsqu'il a fait Zorba, il a soulevé, il a fait comme ça, et puis il a essuyé maintenant Zahiru Kafei. Comme ça. Ça va? Mafoum? Zorba. Et lorsqu'il soulève, il y a du sable sur la main. N'est-ce pas? On va voir, ça vient dans certains riwaya. Nafada. Il a soufflé. Ou bien, Nafarafi, il a soufflé. Ça va? Mais ici, le tayammum, c'est d'abord ici dans le hadith de Ammar. C'est d'abord de mettre les deux mains au sol. Dorbatan wahid. Ensuite, soulever, prendre la main gauche comme ça pour essuyer la main droite. Ensuite, maintenant, essuyer l'extérieur de la main. Ça va? Et le visage. Wawaji. Et il a essuyé son visage. Ici, dans ce hadith, on voit qu'il a essuyé les deux mains avant le visage. Pourtant, dans le aya, et le visage, et puis les deux mains. Nam. وفي رواية في الصحيح dans une autre رواية du même hadith إنما كان يكفيك il a dit Ammar il dit que suffisait أن تضرب بيديك الأرض tu prends tes deux mains et tu frappes le sol ثم تنفخ ensuite tu souffles ça va le sable qui est sur ta main ثم تمسح بهما وجهه et tu prends tes suies ton visage avec tes deux paumes. Ça va? Wa kafaik et tes deux mains. Wa huwa asahhu hadith fil bab. C'est le hadith le plus authentique dans ce sujet. Wa riwaya fi riwayatin al-Bukhari. Dans la riwaya, dans une version de Bukhari, fa daraba bi kaffihi darbatan ala al-ard. Il a frappé avec sa paume au sol. Summa nafadaha. Ensuite, il a nafada. Ça va? Il a enlevé ce qui est sur ses deux paumes. Summa masaha bihima zahra kaffihi. Et il a essuyé maintenant l'extérieur de ses deux paumes. Au zahra shimalihi bikaffihi. C'est-à-dire, l'extérieur de sa main gauche avec sa paume. Summa masaha bihima wajha. Et il a pris ses deux mains, il a essuyé sur son visage. Wa fi hadhihi riwayat al-akhira, dans cette dernière riwaya, il y a quoi? Taqdimu yadayni ala al-wajh. Le fait de devancer les deux mains au visage, sur le visage. Walakinna muntaqida. Mais c'est une riwaya qui est reprochée. C'est une riwaya qui est reprochée. قال الإمام أحمد بأنها غلط. L'imam Ahmad dit c'est une erreur. C'est une erreur. Zakarahu anhu ibn Rajab. Et ibn Rajab a mentionné cela de l'imam Ahmad fi Fath al-Bari. Dans Fath al-Bari, wa hiya kama qala rahimahullah. Et c'est comme l'auteur du livre a dit, wa bina'an alayhi. C'est comme l'imam Ahmad a dit ici, wa bina'an alayhi fal mustahab. Si on se base sur cela, ce qui est recommandé, c'est taqdimul wajh ala al-yadayn. C'est de devancer le visage aux deux mains. Les zahir al-aya. À cause de ce qui vient dans le verset, wa laysa wajiban. Ce n'est pas obligatoire. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Ici, ce qui est mustahab. Les mada, pourquoi c'est mustahab? Parce que le hadith de Ammar est sahih. Et dans la riwaya du hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a essuyé ses deux paumes avant son visage. Dans l'autre riwaya, il a essuyé son visage avant ses deux paumes. Donc, ce sont des riwaya qui sont sahiha. Donc, Nakulu, Al-Afdol, Wal-Ahsan, Wal-Mustahab, qu'on essuie le visage avant les deux mains. Mais celui qui essuie les deux mains avant le visage, Fakadja Abisunna. Il a fait aussi la sunna. Mafoum? Taïb. Watanwi bizalika. Donc on a vu déjà comment faire le tayammum. Alors qui peut le faire? Je vais voir. Naam. Naam. L'intérieur d'abord. Naam. Essuyer le visage. Taïb. Quand on dit le visage, c'est très important. Le visage est où? On a déjà vu la mesure du visage. N'est-ce pas? Si tu ne suis pas tout le visage, allez essayer. Donc, essayez de voir cela. Parce que d'autres font tayammum, ils suivent zahir, ce qui est devant le visage seulement. Mais ne suivent pas tout le visage. C'est très important. Donc ici, yakfikum, tout ça c'est des détails. Il y a d'autres qui font comme ça. Hein? Il y a d'autres qui viennent, ils font comme ça, ils font comme ça. Khalas, si tu touches le sol et fais comme ça. Comme de la manière que tu laves tes deux mains. Ça va? Tu touches en même temps l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, maintenant, tu essuies ton visage. D'autres viennent, ils essuient jusqu'au coude. Hein? Là, asla lizali, qu'il n'y a pas de fondement pour ça. Ça va? Ils essaient de faire qiyas. Hein? C'est venu dans le hadith de Ammar, la manière de le faire. N'est-ce pas? Nassallallahu alayhi wa sallam. Donc, watanwi bizalika raful hadasi. Quand tu fais le tayammum comme les autres adorations, ton intention c'est de lever l'impureté. Les hadiths, à cause des hadiths, innamal a'malu bin niyat. Les actions sont basées sur les intentions. Wa amma tasmiya. Quant au tasmiya, falam yasihu fiha shay. Rien n'est authentique au sujet de la tasmiya. La fil wudu wa la fi tayammum. Ni dans l'ablution, ni dans le tayammum. Wallahu a'lam. Ensuite, wa qawluhu wa nawaqiduhu. Les annulatifs de tayammum. Du tayammum. Nawaqidul wudu. Ce sont les annulatifs de l'ablution. Tout ce qui annule l'ablution annule aussi le tayammum. Et tafaqa ahlul ilmi. Les savants sont unanimes. Ala anna tayammuma. Le tayammum yantaqidu bima yantaqidu bihi l'wudu wal ghusl. Alors le tayammum s'annule de ce qui annule l'ablution et le grand lavage. C'est-à-dire, ce qui annule l'ablution et le grand lavage. Taïb. Wa yudafu ila dhalik. Et on ajoute sur cela, wujudul ma, la présence de l'eau, awil qudra, ou la capacité, ala isti'marihi, pour utiliser de l'eau. Aïe, c'est-à-dire, zawal al-uzri allazi ajaza lahu tayammum. C'est-à-dire, zawal, le fait que quitte l'excuse qui lui autorise le tayammum. Li'annahu badalul ma. Car le tayammum vient remplacer l'eau. Fa idha wujid al-as batul al-badal. Si la base, on trouve la base, alors le badal, celui qui vient remplacer la base, est annulé. Je vais bien vous expliquer cela pour que vous compreniez. Celui qui fait déjà le tayammum. Et maintenant, avant la prière, il voit de l'eau. Et il y a de l'eau, alors son tayammum devient bâti. Est-ce que vous comprenez? Il doit prendre de l'ablution maintenant. Parce que faïza wujid al-af batula al-badal. Maintenant, la deuxième situation, s'il a pris, il a fait le tayammum et il a prié avec le tayammum, ça va? Et il a vu de l'eau, sa prière est correcte. Ça va? Mais lorsqu'il doit faire une autre prière, il doit prendre les ablutions. Cela ne veut pas dire que si tu finis de prier avec le tayammum, et que tu vois de l'eau, ta prière est nulle, comme certaines personnes le disent. Voilà, allez, ça te sourit. Ta prière est correcte avec le tayammum. Mais là, qu'il, si tu veux faire une autre prière, tu prends les ablutions. Mais dans le fuqaha, il y a parmi les savants d'autres qui disent, même si l'eau est là, que tu as déjà fait le tayammum, et que tu n'as pas encore prié, tu peux prier avec ton tayammum. Ça va? Tu peux prier avec ton tayammum. Parce qu'ils disent, rien n'annule ton tayammum. Même si l'eau est là, parce que tu as déjà fait le tayammum. Et ils disent, même si tu pries que, après la prière, tu as eu encore d'autres prières à faire, tu peux le faire. Ça va? Voilà qu'il a sorti. Et c'est que zahirul aya, c'est quoi? Walam tajidu ma'an. Et ça, c'est général. Ça va? Ça, c'est général. Mais pourquoi nous avons dit que celui qui prie avec le tayammum et après il trouve de l'eau, sa prière est correcte? Pourquoi nous disons cela? Parce qu'à la base, il n'y avait pas de l'eau avant qu'il ne prie. Donc sa prière est correcte. Voilà qu'il, s'il a eu de l'eau avant de prier, alors qu'il fasse les ablutions. Ça va? Toyib. Walmashu yakunu mistoyid. On va rentrer dans une autre masala qui est dans la même masala. Qui est quoi? On essuie avec le soïd. Badun qal, certains disent, huwa turab faqat. C'est le sable seulement qui est le soïd. C'est-à-dire, la terre, turab, la terre, le sable, l'argile, tout ça. وَالْبَعْدُ قَالَ التُّرَابُ وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ. Le sable est tout ce qui est jins, de l'espèce de la terre, tout ce qui est terre. C'est-à-dire tout ce qui est sur la terre. كَرَّمْ, comme par exemple le sable, وَالْحَجَرْ, la pierre, وَالْحَصَى, même le bâton, avant le petit caillou, avant. وَهَذَا الرَّاجِ. Et c'est ce qui est prépondérant. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Allah est le plus savant. C'est-à-dire, tout ce qui est, min jinsi al-ard, même le mur, les carreaux, ça va? Les carreaux, tout cela, on peut faire tayammum dessus. Et c'est la parole qui est prépondérante. Sahih. لِمَاذَا. Parce que as-sahih fil lugha, le sahih, dans la langue arabe, c'est wajhul ard. C'est la surface de la terre. Turaban, que cela soit le sable, kana ou ghayrihi, ou autre que cela, comme les gens de la langue arabe, ils ont dit, as-sa'id, c'est wajul ard, al murtafi'u min al ard, ce qui est soulevé sur la terre. Hada yusamma as-su'id chez les Arabes. Ça va? Hada huwa ar-rajih. Ce n'est pas seulement limité. Fatayammamu su'idan tayyiba. Ça peut être le mur. Ça peut être les carreaux. Ça va? Non. Les herbes rentrent dedans. La maraïtu zalik. Kullu min jinsi al-ard. Yani, min jinsi turab. Tout ce qui rentre dans cela. Ça va? Mais ba'dhum yatawassa. D'autres vont au-delà de cela. Ça va? Walakin as-sahi. Tout ce qui est min jinsi al-ard. Quand on dit la terre, tout ce qui est min jinsi al-ard. Ça va? Donc ici, nous allons rentrer maintenant dans Babul Haid, le chapitre de Al-Haid, du Mansri. Babul Haidi, le chapitre du Mansri, Qawluhu, la parole de l'imam Ash-Shawkani. Babul Haidi, le chapitre du Mansri. Al-Haidu, le Mansri, on dit là ou bien le. On dit les. Non mais lorsque c'est au singulier. Les Mansri. Je ne suis pas d'accord. D'accord, c'est vous les francophones. Je vous laisse votre langue. Hein? Ok. Votre langue. C'est leur langue, mais c'est ce que vous avez appris. Al-Lughatu, dans la langue arabe, Al-Haïd, c'est Sayalan, c'est l'écoulement. Sayalan, c'est l'écoulement. Ça va? Wa Sharan, dans la législation, le sens de cela, Damun, Jibillatun, c'est un sang naturel. Yakhruju min aqsa, sort du fond, Ar-Rahim. C'est-à-dire du ventre de la femme, Rahim al-Mar'a. Ça va? Du fond du Rahim. Le Rahim, on appelle cela le fœtus, non? L'utérus, non, l'utérus de la femme. Ce qui sort du fond de l'utérus de la femme. Ba'da bulughiha, après qu'elle ait atteint l'âge de la puberté, ala sabil siha, yani lorsqu'elle est en bonne santé. Min ghayri sabab, sans cause, fi awqatin ma'louma, dans un temps bien connu, wa qad taqaddama ta'rifu, et nous avons vu sa définition. C'est-à-dire, cela ne doit pas être lorsque la femme a un choc et il y a un sang qui sort, on dit c'est le haï. Ala sabil siha, elle doit être en bonne santé et ce sang la vient. Ça va? Qui n'est pas de choc. Ma bon. Et c'est dans les temps bien connus. Tayyib. Qawlu, la parole de l'imam Shawkani. Wa lam ya'ti fi taqdiri aqallihi wa aksarihi ma taqumu bihi al-hujja wa kadhalika at-tuhur. Écoutez bien cela. N'est pas venu dans l'évaluation de son temps, c'est-à-dire son petit temps ou bien son, qui peut m'aider, son plus long temps. Ça va? Ma taqumu bihi al-hujja, c'est-à-dire ce qui a vraiment un argument dessus. Bimana, le délai n'est pas connu, c'est pas venu dans un hadith clair pour dire. C'est-à-dire, c'est 3 jours, ou bien c'est 1 jour pour la femme de faire les menstrues. Ça va? Ou bien 4 jours, c'est-à-dire, c'est pas venu. Dans un dalil qu'on peut utiliser, c'est le même à tour, le même pour la purification. C'est-à-dire, qaddara ba'du ahlul ulama, certains savants ont déterminé qadran al-aqall al-haydi wa aksar. Ils ont essayé de déterminer le moindre nombre, moindre de jours, et d'autres plus de jours. C'est-à-dire, ça doit équivaloir entre tel nombre de jours et tel nombre de jours. Ces savants ont essayé de donner ces nombres-là. وَكَذَلِكَ لِأَقَلِ الطُّهْرِ Et aussi, ils ont donné le nombre de jours pour sa purification. Si c'est 25 jours, la femme reste pure pendant 25 jours. Ainsi de suite, et ils ont donné aussi le plus nombreux nombre de jours pour cela. Certains ont dit, أَقَلُ الْحَيْدِ يَوْمٌ وَلَيْلَ Ils disent, le nombre le plus moins que la femme fait dans les menstrues, c'est un jour. وقال البعض d'autres disent ثلاثة أيام trois jours. وقالوا et d'autres disent في أكثره خمسة عشر. D'autres disent 15 jours. La femme peut faire 15 jours dans les menstrues. وبعضهم قال عشرة أيام. D'autres disent 10 jours. وقالوا ما كان أكثر من ذلك Et ils disent maintenant ce qui est plus beaucoup que les 15 jours, فاستحادة, c'est l'écoulement constant. Ça n'a rien à voir avec les menstrues. Ça va? Ça c'est une maladie. والخلاف في هذا التقدير كثير. Donc la divergence dans le takdir, c'est-à-dire dans le nombre qu'il donne ici, cette divergence est beaucoup. Ils ont beaucoup parlé. لِأَنَّهُ لَمْ يَسِي car il n'y a pas eu لَمْ يَسِي وَفِي شَيْ يُنَانِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم Il n'y a pas eu de dalil authentique venant du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم وَعَتَمَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَقْوَالِهِمْ عَلَى الْوَاقِعِ Beaucoup parmi les savants se sont basés dans leurs paroles. Ils se sont basés sur quoi? Sur ce qui est connu. Al-waqi. Ça va? Al-waqi un-nisa. C'est-à-dire, ce qui est connu des femmes. Wa kullun takallama bima alima. Et chacun a parlé de ce qu'il connaît. Wal-ba'du itamada. Donc, se sont basés à l'ahadith da'ifa. C'est des hadiths qui sont da'if. Ils ne sont pas authentiques. وقال جماعة من العلماء et un ensemble de savants ont dit بما قال الشوكاني c'est qu'a dit l'imam Shawkani. Qu'est-ce que l'imam Shawkani a dit? Il dit il n'y a rien d'authentique sur les jours, la période moins et nombreux. Il n'y a pas de dalil authentique sur cela. N'est-ce pas? وهو أنه ليس لأقل الحيد. Il n'y a pas pour le nombre moins du jour بالأيام du حيد حد. Il n'y a pas de limite. ولا أكثرهم وقت. Et il n'y a pas aussi de limite pour le plus nombreux des jours de حيد. والحيد عندهم. Donc les menstrues chez ceux-là, chez ces savants-là, c'est إقبال الدم. C'est l'arrivée du sang al-munfasil qui n'est pas pareil en dammil istihada du sang de l'écoulement constant. Ça va? Wattumru et la purification chez ces savants-là, c'est idbaru, yani c'est le fait que aille maintenant le sang du menstrué. C'est-à-dire pour eux, si la femme voit le sang du menstrué un jour, et le lendemain, elle ne voit plus. Pas quand de temps ou reste. Elle est pure. Si elle voit trois jours et qu'elle ne voit plus, elle est pure. Si elle voit cinq jours et qu'elle ne voit plus, elle est pure. Ça va? Qawlum. Et la parole de l'imam Shawkani. Fazatul adatil mutaqarrirati ta'amalu alayha. Il dit celle qui a une habitude répétée, elle travaille avec son habitude. Ça va? وغيرها ترجع إلى القرائن. Et autre que celle-là qui n'a pas une habitude répétée, elle retourne à faire des rapprochements selon ses moments. Ça va? فدم الحيض, le sang des menstrues, yatamayyadu min ghayrihi, se différencie des autres sangs. Fatakunu haidan idha ra'at damul hayd, donc elle serait en état de menstruer si elle voit le sang des menstrues. Wa mustahadatan, elle sera dans l'écoulement constant idha ra'at ghayruhu, si elle voit autre sang que le sang des menstrues. Wa hiya kattaharati, c'est la même chose comme la purification. Wa taghsilu athara ad-dam, wa hiya kattahirati afwan, elle sera comme purifiée. Wa taghsilu athara ad-dam, elle lave les traces du sang. Wa tatawadda li kulli sala, elle prend l'ablution pour toute prière. C'est-à-dire ici la parole de l'imam Shawkani, celle qui a une habitude de répéter, c'est-à-dire la femme qui fait son haïd 5 jours dans le mois. Dans le mois, on a combien de jours? 30 jours ou 29. Si elle fait 5 jours dans le mois, alors cela veut dire que 25 jours, elle est pure. Donc, si le menstrue vient, elle calcule les 5 jours. Si les 5 jours arrivent, alors le sang qui vient après cela est considéré comme istihaba, c'est-à-dire le coulement constant. Vous comprenez? Elle considère cela comme istihada. Maintenant, si elle n'a pas une habitude répétée, c'est-à-dire souvent c'est 2 jours, souvent c'est 3 jours, souvent c'est 5 jours, alors elle vient sur le qara'in. Elle essaie de faire les rapprochements, c'est-à-dire au niveau du sang. Elle connaît bien le sang des menstrues. Donc si maintenant il y a un autre sang qui vient après cela, qui n'est pas pareil au sang des menstrues, de l'odeur et de la couleur, alors le menstrue s'est interrompu. Est-ce que vous comprenez? Cela pour pouvoir les aider elles-mêmes. Donc, Fatamul Hayd, comme il a dit, le sang des menstrues n'est pas pareil aux autres sangs. Donc, si elle voit ce sang-là, elle se considère en menstrue. Ça va? Maintenant, si elle voit autre sang, elle se considère dans l'écoulement constant qui est al-istihada. Et elle se considère comme pure. Maintenant, si elle est dans la istihada, c'est l'écoulement constant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave. Elle lave les traces du sang. Ça va? Maintenant, elle prend les ablutions et elle prie. Maintenant, après, si maintenant le sang de Istihada continue, elle prend les ablutions pour toutes les prières. Parce que ce n'est plus le sang des menstrues. Mafoum? فَإِذَا كَانَ دَوْرَةُ الْمَرْأَةِ, si le cycle de la femme montazima est bien ordonné, في وقتها, dans le temps الْمَعْلُومُ عِنْدَهَا, qui est connu chez cette femme-là, وَانْقَطَعَتْ فِي وَقْتِهَا, et ça se coupe, فَإِنَّهَا, donc à ce moment تَمْسَقُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ, elle arrête de prier pendant ce temps-là qui est connu chez elle. Ça va? وتثبت لها احكام الحائض, et on affirme ici le jugement des menstrues pour elle. Voilà إشكال في ذلك, il n'y a pas de problème à ce sujet. اما اذا كان الدم, mais si le sang ينزل منها, descend باستمرار, avec continuité, ولا ينقطع, et le sang ne se coupe pas, فهذا تسمى مستحاضة, celle-là on l'appelle mustahada. Il y a une différence entre le istihada et puis le haïd. Le haïd, c'est dans un temps bien connu. Et la couleur du haïd n'est pas pareille à la couleur de istihada. Ça va? Donc si c'est un sang qui coule de façon constante, alors en ce moment, elle considère cela comme le sang de istihada. Al-istihadatu, le istihadu hiya istimraru nuzuli dam, c'est la continuité de la descente du sang fi ghayri waqtihi, dans autre que son temps. Vous comprenez? فَكَيْفَ تَفَعَلُ الْمُسْتَحَادَ La femme qui a le istihada, qu'est-ce qu'elle doit faire? مَا سِمْرَارِ الدَّمِ Lorsque le sang continue. وَمَا اِخْتِلَاتِ الْأَمْرَ عَلَيْهَا Et lorsque les choses sont mélangées pour elle. هَلِ الدَّمُ النَّازِ الدَّمُ حَيْدِ Elle se pose la question. Est-ce que le sang qui sort est le sang du menstrué au dame istihada ou bien c'est le sang de l'écoulement constant? Donc, lorsque cela arrive, qu'elle n'arrive pas à connaître la différence. Ça va? Parce que cela arrive surtout pour nos jeunes sœurs qui ne connaissent pas d'abord, sinon les sheikhoukha. Elles connaissent cela. Ça va? Mais les sœurs, les nouvelles, celles qui sont encore à l'âge de la puberté, elles n'arrivent pas à voir la différence entre le dame du haïd, des menstrues, et le sang de l'écoulement constant. Qu'est-ce qu'elle doit faire en ce moment? قال المؤلف. C'est en ce moment que l'auteur dit فذات العادة المتقررة, celles qui ont un cycle qui est connu, répété, ta'amalu alayha. Elle applique cela. C'est-à-dire, si c'est 5 jours, quand le sang arrive, elle considère 5 jours. Et maintenant, après les 5 jours, elle considère cela comme le sang istihada. Ça va? Elle considère cela comme le sang istihada. فَإِذَا كَانَ الْمَرْأَةُ تَحِيدُ مَثَلًا سَبْعًا Si la femme fait ses menstrues 7 jours, وَتَطْهُرُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا Elle se purifie 27 jours, فَهَذِهِ عَادَتُهَا مُتَقَرِّرَةً Voici son cycle répété. C'est-à-dire ce qui est connu chez elle. فَإِذَا سَمَّرَ الدَّمُ Donc si le sang continue après les 7 jours, وَاسْتَحَادَتْ Alors que le sang de l'istihada vient, تَعَمَّلُ عَلَىٰ عَادَتِهَا مُتَقَرِّرَةً Elle travaille avec son habitude. Ça va? Fa tuhayyidu, alors elle fait le haïd, c'est-à-dire les menstrues, sab'atu ayyam, 7 jours, summa taghtasili. Ensuite elle se lave, wa tusalli, et prie, salasan wa ishrina yawman, 27 jours, et prie. Mafou? Wa dalilu dhalika qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam lil mustahaba. La preuve de cela, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à celle qui était dans le coulement constant. Il a akbalat il haïd. Qu'est-ce qu'il dit? Si le haïd arrive, si le menstrué arrive, faturki as-sala. Il laisse la prière. Faïda zahaba, si les menstrues vont, qadruha, c'est-à-dire le qadre, le nombre de jours est allé, farsili anki dam wa salli. Et prie maintenant, c'est-à-dire lave d'abord le sang et prie. Regardez ici, il a dit Faizazahaba Qadruha. Le Qadr ici, c'est l'équivalent du nombre de jours. Si cela est parti, c'est-à-dire si c'est 7 jours, que tu es dans le 8e, tu te laves. Et tu fais quoi? Tu pries. Ça va? Même s'il y a le sang après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les ablutions pour chaque prière. Mais on va voir dans le même livre que le cheikh n'est pas d'accord avec ça. Hein? On va voir si on va le suivre ou on ne va pas le suivre. Ou bien, c'est selon les dalils. Voyez. Cela nous apporte la compréhension. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. أما التي ليس لها عادة quant à celle qui n'a pas une habitude متقررة qui est répétée كالصغيرة comme la petite fille التي نسيت عادتها qui oublie son habitude c'est-à-dire l'habitude de ses menstrues فهي تعمل بالقرائن cela elle applique les قرائن c'est-à-dire les rapprochements فتميز elle différencie بين الدم الحيض entre le sang du menstrué, madame l'istihada, et le sang de l'écoulement constant, birahati, est différencié par l'odeur, wa laoun, et la couleur. Wa sadalla ala hada bi hadith da'if. Et le cheikh s'est basé sur cela avec un hadith qui est da'if. Wa huwa qawlu sallallahu alayhi wa sallam, damul hayd aswad yu'raf. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, le sang des menstrues est noir et connu. Voilà qu'il n'a pas de hadith da'if. Et encore Abu Hatim. Abu Hatim a répliqué sur ce hadith et l'a montré que c'est da'if. Toyib. Wa amma al-halatu salisa. Quant à la troisième situation. Idha lam takun laha 'adatun mutaqarrira. Ce n'a pas une habitude répétée. Wa la tamayyaza bayna ad-dammayn. Et elle n'arrive pas à connaître la différence entre deux sangs. فهي تنظر إلى عادة نسائها كأختها وأمها وتعمل عليها. Cela regarde l'habitude de ses sœurs, des autres femmes, de ses sœurs, de sa mère, ça va? Et elle travaille avec cela. Ma femme? Parce qu'elle n'arrive pas, d'abord, à faire la différence entre les deux sangs. Elle n'a pas aussi adatu mutaqarrira, une habitude répétée. Ça va? Donc, elle regarde ses sœurs, ou bien sa mère, et elle pose la question. Si eux, ils le disent, eux, ils disent, c'est 3 jours, alors elle calcule 3 jours. Si c'est 4 jours, elle calcule 4 jours. Si c'est 5 jours, elle calcule 5 jours. Ainsi de suite. Qawluhu. وَتَغْسِلُ أَثَرُ الدَّمِ. Et il lave les traces du sang. Yani elle lave les traces du sang. Le qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, فَغْسِلِ عَنْكِ دَمِّي وَصَلِّي. Lave. Yani de toi le sang, c'est-à-dire enlève le sang, وَصَلِّي, et prie. Wa huwa fi sahih, sahih. Le hadith est dans les deux authentiques. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana ilman innahu tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Nous allons nous arrêter ici et la semaine prochaine nous n'allons pas revenir sur tout, mais nous allons reprendre certaines parties pour mieux expliquer, pour qu'on puisse comprendre et donner des kawaïd sur cela, pour que la femme puisse travailler avec cela et l'époux aussi, les mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, qui sont en route, hein, vous essayez de comprendre cela afin de d'enseigner vos épouses sur cela, car Adamu ma'arifatu zalik. Le manque de connaissance de cela va faire rembourser des prières à certaines femmes le jour de Yom Kiyam. Non. Le manque de science. Est-ce qu'elles seront excusées? Je ne savais pas. Là, elles ne seront pas excusées. L'imada, parce qu'il y a des savants. Il y a des imams. Hein? Pour enseigner. Pourquoi elles n'ont pas posé la question? Ça va? Qu'elle pose la question aussi à ceux qui savent. Pas ceux qui yatashabbah bil alim wa laysa bi alim. Celui qui se fait ressembler à un savant alors qu'il n'est pas savant. Lorsqu'elle va leur poser la question, eux aussi vont la conduire si ce qui n'est pas bien. Al-hasil, c'est que si elle veut poser des questions, elle pose la question à celui qui connaît bien la mas'ala. Elle peut le connaître comment? À travers des étudiants en sciences qui peuvent la guider vers celui qui connaît bien. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un sujet, une obligation, wajibul aini, ala kulli mar'a, sur toute femme, d'apprendre et de savoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et qu'il nous facilite la mise en pratique. La semaine prochaine, inshallah, nous allons continuer dans ce bab complet. Et ça serait le dernier bab que nous allons voir dans le bab Tohara. Et nous allons continuer dans bab Sola. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك